Amis Balance, bonjour et bienvenue dans votre tirage amour du mois de mai 2023. On va voir ce que l'oracle de Béline vous dit. Est-ce qu'il a un message, un conseil, voire tout simplement ce que les cartes nous proposent pour vos amours du mois de mai. Bon, apparemment c'est super sympa puisque là on a les cadeaux de la vie et une évolution, un progrès évident de votre vie amoureuse. Deux soleils, donc le grand rayonnement pour votre vie sentimentale au mois de mai. Alors bravo, c'est déjà bien parti. Maintenant, on va voir le tirage. Donc, balance, mai 2023. Essayez de mettre les autres cartes de côté. Et je découvre en même temps que vous. Voilà. Donc, la coupe qui colore le jeu, elle était excellente. Donc ça, ça va m'influencer quand même pour le tirage. Ici, on a apparemment, amis Balance, dans votre vie de couple, il y a de bonnes nouvelles également qui, apparemment, vous avez des projets ou des biens en commun ou des projets financiers. Bah, il y a de bonnes nouvelles financières pour l'un ou l'autre, que ce soit vous ou votre partenaire. Par rapport justement à beaucoup de dépenses, puisque là je suis désolée, hein, mais je dois revenir sur un côté financier puisqu'il est sorti, par rapport à beaucoup de dépenses ou des choses qui n'étaient pas prévues, c'était où apparemment vous avez vraiment eu très peur dernièrement par rapport à beaucoup de dépenses qui se sont succédées, ou alors une facture qui n'était pas prévue à voir. Les cas sont nombreux, hein. Vous êtes nombreux et nombreuses, les balances. Pardonnez-moi si je manque de précision parfois, mais je m'adresse à tout le monde, ce qui n'est pas facile. Et donc, par rapport à cela, eh bien, il y a une nette évolution de la situation et du coup de votre union. Donc, apparemment, si vous êtes en couple, en gros, vos projets continuent de plus belle, et par rapport à une peur que vous avez eue ou un événement où vous avez peut-être dû dépenser plus que prévu, eh bien, l'équilibre va se rétablir et votre couple n'est pas menacé non plus matériellement. Si l'un de vous deux cherche du travail, il peut en trouver. Voilà, où il y a une aide financière qui vous tombe. Voilà, ça parle de cela. Du coup, ça aide votre couple et l'épanouissement de votre vie amoureuse. Et puis, si vous êtes célibataire, eh bien, vous pourriez normalement avoir une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle par rapport à... Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir une aide. Alors ici, c'est pas amoureux, forcément, mais vous pourriez avoir une aide familiale, amicale, par rapport à des soucis matériels que vous avez pu avoir. Et au-delà de ça, vous allez de toute façon... ce que l'oracle de Béline vous dit, c'est de patienter par rapport à des peurs que vous avez actuellement, puisque une nouvelle union est en train d'arriver. Et normalement, peut-être qu'un changement professionnel dernièrement que vous avez pu avoir, ou un changement dans votre vie pratique, va vous faire rencontrer quelqu'un. Voilà. Alors, les possibilités sont nombreuses, encore une fois, mais prenez ce qu'il y a à prendre. Et en tout cas, je vous souhaite un bon mois de mai 2023.